Today I'd like to continue with some topics that were spoken about yesterday and the day before. Yesterday I started to talk about what the yogi comes to know, how the yogi comes to know the natural characteristics of phenomena, things like hardness, softness, and so on. The characteristics of the four great elements. Aujourd'hui, je vais poursuivre mon enseignement et continuer à vous parler de ce que le méditant va progressivement réussir à expérimenter au cours de sa pratique, et notamment les caractéristiques des phénomènes, essentiellement les éléments. Chaque phénomène physique, chaque phénomène mental a ses propres caractéristiques. C'est ce qui existe réellement, les réalités ultimes. Comme je vous l'ai expliqué hier, en général, dans la vie de tous les jours, on ne voit pas la véritable nature des phénomènes. On ne sait pas que dans le corps, il n'y a jamais que les éléments. D'habitude, on voit au niveau des concepts. C'est la réalité conceptuelle. On voit le corps dans sa forme extérieure, que ce soit en posture assise ou en marche. On ne voit jamais que la forme extérieure des choses. Il y a une autre façon de percevoir le concept, c'est de voir la position ou la manière. Par exemple, le corps est debout, le bras est étiré, la main est ouverte ou fermée. Tout cela, ce sont également des concepts. Une troisième façon de percevoir la réalité, c'est de la percevoir au niveau de la réalité ultime. On voit les caractéristiques naturelles des phénomènes. Par exemple, lorsqu'on observe l'abdomen, on ressent une sensation de dureté ou de douceur. On va donc au-delà de la forme et de la manière. Comme je vous l'ai expliqué hier, lorsque les concepts sont apparents, la réalité ultime s'estompe. Lorsque la réalité ultime est perçue, ce sont les concepts qui vont s'estomper. Ces deux réalités ne peuvent pas coexister. Par exemple, lorsque vous observez les mouvements de soulèvement et d'abaissement de l'abdomen, il est possible que vous ressentiez tout simplement de la tension, des vibrations, du mouvement. Il est possible également de ressentir de la dureté, de la douceur. Le méditant qui persévère dans sa pratique va commencer à expérimenter les caractéristiques individuelles des phénomènes. Autrement dit, il va ressentir ces sensations de vibration, de tension, d'extension, de douceur, etc. Il se focalise alors sur ces sensations subtiles. Petit à petit, à force de se concentrer sur ce type de sensations, il va commencer à voir les caractéristiques des phénomènes conditionnés. Il commence à réaliser que ces choses apparaissent, durent un instant et disparaissent. Mais pour expérimenter ces caractéristiques des phénomènes conditionnés, autrement dit que ces choses apparaissent, durent un instant et disparaissent, il faut obligatoirement observer au niveau des caractéristiques individuelles. Et lorsque le méditant observe ainsi les phénomènes qui apparaissent, durent un instant et disparaissent, et que cette vision de ces trois temps devient très claire pour lui, il va automatiquement réaliser que ces phénomènes ne durent pas. Le méditant observe les trois phases des caractéristiques des phénomènes, il les voit apparaître, durer un instant et disparaître. Il réalise ainsi petit à petit que ces choses ne durent pas, qu'elles s'arrêtent. Il réalise anicca. Il réalise également par voie de conséquence que ces choses sont dukkha, étant donné qu'elles ne durent pas, qu'elles s'arrêtent. Il réalise également par voie de conséquence qu'il ne peut pas contrôler ces choses. Elles sont hors de contrôle, ce sont de simples mécanismes de l'esprit et de la matière. Elles sont anatta. Donc, d'un point de vue très pratique, que devez-vous faire? Vous devez tout simplement observer attentivement les mouvements de soulèvement et d'abaissement de l'abdomen et tout ce qui se manifeste à chaque instant à l'intérieur de vous. Vous devez prendre conscience de ces phénomènes dès leur apparition et maintenir votre attention fermement sur cet objet. et quand votre concentration se sera renforcée, qu'elle sera devenue puissante, la forme extérieure va disparaître, la manière également va disparaître, vous ne percevrez plus que des qualités, comme la chaleur, le froid, le mouvement, etc. Au début de la pratique, le méditant ne voit que le milieu des phénomènes. Il voit le milieu du soulèvement, le milieu de l'abaissement. Sa concentration va se renforcer à force d'observer ainsi le milieu du soulèvement et le milieu de l'abaissement, et il verra bientôt le début et le milieu du soulèvement et de l'abaissement. Donc à ce stade, le méditant voit le début et le milieu du phénomène. Il ne voit pas la fin, tout simplement parce que le phénomène suivant apparaît avant que le précédent n'ait disparu. Donc à ce stade, le méditant voit le début et le milieu du phénomène. Il ne voit pas la fin, tout simplement parce que le phénomène suivant apparaît avant que le précédent n'ait disparu. Donc la fin du phénomène est voilée par l'apparition du suivant. Ceci est appelé Sankhata Lakana, la caractéristique des phénomènes conditionnés. Et donc le méditant est capable maintenant de voir le début, le milieu et la fin des phénomènes, c'est Sankhata Lakana. Il va tout doucement réaliser Samanya Lakana, c'est-à-dire voir les caractéristiques communes à tous les phénomènes. Tous les phénomènes sont Anicca, Dukkha et Anatta, impermanent, souffrance et incontrôlable. Et dès le moment où le méditant a réussi à voir Samanya Lakana, les caractéristiques communes des phénomènes, les connaissances vipassana vont commencer à se développer. Que devons-nous faire? Nous devons essayer de voir Sabhava Lakana, les caractéristiques individuelles des phénomènes, les sensations subtiles. Nous allons donc observer attentivement et tôt ou tard nous réussirons à voir ces sensations subtiles, les caractéristiques individuelles des phénomènes. Dès le moment où nous aurons réussi à voir ces caractéristiques individuelles, nous verrons les caractéristiques des phénomènes conditionnés, c'est-à-dire le début, le milieu et la fin de tous ces phénomènes. Ceci va nous permettre de réaliser finalement Samanya Lakana, les caractéristiques communes que sont donc Anicca, Dukkha et Anatta. Il ne faut donc pas s'efforcer de voir Anicca. La seule chose que nous devons faire, c'est essayer d'observer attentivement, d'aller au-delà du concept et de réaliser Sabhava Lakana. Pour y arriver, nous devrons fournir un effort, développer notre attention et notre concentration. Tout le monde voudrait réaliser le Dhamma, réaliser la connaissance spéciale, atteindre la libération. Pour y arriver, il faudra disposer de 5 qualités qui sont en fait les causes pour que cela puisse se produire, et c'est de cela que je voudrais parler aujourd'hui. La première qualité que le méditant doit avoir s'il veut réaliser son but, c'est la confiance, la foi. En quoi consiste cette foi? Pour les bouddhistes ou pour ceux qui font facilement confiance aux personnes, il s'agira de la foi dans la sagesse du Bouddha. Mais il y a des gens qui ne font pas facilement confiance aux personnes, ils peuvent tout simplement avoir confiance dans le karma et ses effets, la loi de cause et d'effet. Ils doivent avoir confiance, comprendre qu'un acte positif amène un effet positif, qu'un acte négatif amène un effet négatif. Et ceci est suffisant. La deuxième qualité, c'est la santé. Il faut que le méditant soit en bonne santé. De nos jours, personne ne peut prétendre être en parfaite santé. C'est pourquoi on considère que si l'on veut pratiquer et réaliser le but, il faudra tout simplement être capable de bien digérer les aliments et de bien dormir. La troisième qualité, c'est l'honnêteté, la franchise. C'est une qualité qu'on rencontre très rarement de nos jours. Toujours à propos de cette troisième qualité, l'honnêteté et la franchise, il faut bien comprendre que de nos jours, cette qualité fait souvent défaut. Les gens prétendent avoir des qualités qu'en réalité ils n'ont pas, ou alors ils prétendent être sans défaut alors qu'ils sont pleins de défauts. Il faudrait, au contraire, que les gens prennent l'habitude de reconnaître leurs défauts lorsqu'ils en ont et qu'ils ne prétendent pas avoir des qualités qu'ils n'ont pas. Cette qualité d'honnêteté est particulièrement importante dans le cadre d'une retraite comme celle-ci, à l'entretien avec le maître de méditation. Le méditant doit tout simplement dire ce qu'il a expérimenté au cours de sa méditation sans chercher à compliquer les choses ou à prétendre avoir eu des expériences qu'il n'a pas. Ces trois premières qualités, la foi, la santé et l'honnêteté, sont les plus importantes. Si le méditant dispose de ces trois premières qualités, le professeur pourra l'aider. La quatrième qualité, c'est l'effort ininterrompu. Le méditant doit constamment fournir l'effort d'observer les mouvements de soulèvement et d'abaissement de l'abdomen et tout ce qui se manifeste à chaque instant de façon prédominante. C'est un effort qu'il doit faire à chaque instant. S'il le fait, sati, son attention, va finalement rester fixée sur l'objet, elle va se maintenir sur l'objet, elle va adhérer à l'objet, la concentration va apparaître et se développer, son esprit va se stabiliser. Pendant la marche également, il faudra fournir cet effort ininterrompu. À chaque instant, il faudra faire l'effort d'être attentif aux différentes phases du pas, au mouvement. Nous devrons également, tout au long de la journée, faire l'effort d'être attentif aux moindres petites actions que nous faisons. Toutes les activités que nous ferons tout au long de la journée devront être observées attentivement avec effort. Au début, il est fort probable que nous rations beaucoup de ces mouvements, beaucoup de ces activités du corps. Mais petit à petit, nous allons progresser. Nous devons comprendre que c'est tout au long de la journée que nous devrons fournir cet effort d'être attentif. Nous devrons être attentifs aux quatre postures, la posture debout, la posture assise, la posture en marche et la posture allongée. Nous devrons être attentifs à ces quatre postures, mais également à toutes les petites activités, tous les petits mouvements à l'intérieur de ces postures, comme par exemple lorsque nous étendons le bras, nous le ramenons, lorsque nous tournons la tête, lorsque nous clignons des yeux. Tout cela, idéalement, il faudrait en prendre conscience. Bien sûr, au début, c'est difficile, mais plus nous nous entraînerons, plus nous progresserons. Il y a trois façons de pratiquer tout au long de la journée. La première, c'est en posture assise, la deuxième, c'est en marche, et la troisième, c'est dans les activités quotidiennes. Nous avons tous pris la décision de participer à cette retraite. Nous avons tous fait l'effort de venir ici au centre, d'écouter les instructions et de commencer à pratiquer. Nous avons confiance, dans une certaine mesure, dans les bénéfices qu'amène la pratique de la méditation. Et c'est pour toutes ces raisons que nous sommes ici maintenant. Cet effort que nous avons fait jusqu'à présent, c'est l'effort initial. Nous sommes venus ici au centre, nous avons écouté les instructions et nous essayons d'appliquer ces instructions en observant avec effort le mouvement de soulèvement et d'abaissement de l'abdomen. Tout ceci fait encore toujours partie de ce premier niveau d'effort, l'effort initial. Et donc, nous sommes ici à faire ce premier type d'effort. On persévère, on continue à fournir cet effort, et après un certain temps, on commence à s'ennuyer, tout simplement parce que on n'a pas encore expérimenté les résultats de cet effort. Donc on est découragé, à ce moment-là, il faut intensifier l'effort, il faut travailler avec courage et renforcer cet effort. Cet effort que nous allons fournir va devenir la cause pour la réalisation du Dhamma. Nous avons tous pris la décision de participer à cette retraite. Pour le faire, nous avons dû renoncer au confort de la vie de tous les jours. Nous avons renoncé à être libres de faire ce que nous aimons. Nous avons donc fait preuve de courage. Nous sommes venus ici. Nous avons foi dans le caractère positif de cette activité dans laquelle nous nous sommes engagés. Si nous voulons obtenir des résultats, nous devrons de toute façon fournir cet effort, quelle que soit notre motivation. il y a trois types d'efforts. L'effort initial, c'est donc l'effort du début dont il vient d'être question. Le méditant prend la décision de participer à la retraite, c'est déjà l'effort initial. Il arrive au centre, écoute les instructions et commence à observer les mouvements de soulèvement et d'abaissement de l'abdomen et tout ce qui se manifeste à chaque instant, que ce soit en posture assise ou en marche. C'est encore toujours l'effort initial. Ce premier type d'effort, l'effort initial, est appelé en pali Arambha Dhatu. Le méditant fournit donc Arambha Dhatu et après un certain temps, comme il n'a pas encore de résultat, il commence à s'ennuyer. Et le désir de quitter le centre apparaît dans son esprit. Il n'a plus envie de pratiquer. Que faut-il faire alors? Il faut tout simplement renforcer l'effort pour passer à la vitesse supérieure. Cet effort renforcé est appelé en pali Nekama Dhatu. Nous allons fournir ce deuxième type d'effort, l'effort renforcé, Nekama Dhatu. Nous allons réussir à surmonter l'ennui, nous allons réussir à être attentifs de façon continue, l'esprit va devenir pur et c'est la satisfaction qui va apparaître dans l'esprit. Nous serons satisfaits de notre pratique. Nous ne devons pas alors relâcher l'effort, au contraire, nous devons encore l'intensifier, nous devons continuer à faire cet effort de façon à encore progresser. Cet effort qui se maintient et se renforce encore, c'est donc le troisième type d'effort, celui qui va nous permettre d'atteindre notre but et de passer successivement par toutes les étapes de connaissance. Nous devons donc persévérer, continuer à fournir l'effort sans s'arrêter jusqu'à ce que nous ayons atteint notre but. On doit se comporter comme un ouvrier qui n'arrête pas tant que le travail n'aura pas été achevé. Et donc le cinquième facteur dont le méditant doit disposer s'il veut atteindre son but, c'est la vision des apparitions et disparitions rapides des phénomènes. Mais cette vision des apparitions et disparitions rapides des phénomènes va se manifester, c'est certain, si le méditant détient les trois premières qualités. Au début du Mahasatipatthana Sutta, le Bouddha énonce les bénéfices qu'amène la pratique de la méditation Satipatthana. Le Bouddha nous dit « Satipatthana, c'est le chemin sûr. Il va amener les bénéfices suivants, la purification de l'esprit, la victoire sur le chagrin et les lamentations, la disparition de la souffrance physique et de la souffrance mentale, la réalisation du chemin et du fruit, et l'atteinte de Nibbana. Ce sont donc les bénéfices qu'amène Satipatthana. Le yogi va très vite comprendre et expérimenter le premier de ces bénéfices, la purification de l'esprit. S'il réussit à maintenir son attention sans interruption sur les différents objets qui se manifestent à chaque instant, son esprit va devenir très pur et stable. Il faudra donc que le méditant réussisse dans un premier temps à surmonter les empêchements. Vous vous souvenez des empêchements dont il a été question lors des enseignements précédents. Le premier de ces empêchements, c'est le désir sensuel. Il faudra que le méditant s'en débarrasse. Le désir sensuel est comparé à une dette qu'on aurait contractée. Quelqu'un qui a contracté une dette et qui réussit à y mettre fin, à la rembourser, se sent soulagé. Il est heureux parce qu'il n'est plus obsédé par cette dette. Le yogi qui a réussi à éliminer le désir sensuel va également se sentir heureux, comme s'il avait remboursé une dette. Le deuxième empêchement, c'est la colère, l'aversion, qui est comparée à une maladie. Quelqu'un qui est malade n'a plus envie de rien, il n'a plus d'appétit, il ne veut rien. Il n'est incapable de jouir de la vie comme il le faisait précédemment. Le yogi également, qui est pris par la colère, ne se sent pas bien. Dès qu'il aura réussi à surmonter cet empêchement, il va de nouveau se sentir heureux. Le troisième empêchement, c'est la somnolence et la torpeur, qui est comparée à un emprisonnement. Le méditant qui est pris par la somnolence et la torpeur est comme en prison. Son esprit est devenu très lourd et il n'arrive plus à le contrôler. Mais par contre, s'il réussit à surmonter cette somnolence, à l'évacuer de l'esprit, son esprit va redevenir très frais, très clair, et le méditant aura l'impression d'être sorti de prison. Le quatrième empêchement, c'est l'agitation et le remords, qui est comparé à un état d'esclavage. Le méditant, qui est pris par l'agitation et le remords, n'est plus libre de faire ce qu'il veut, il doit obéir à son maître. Par contre, s'il réussit à évacuer cet empêchement de son esprit, il va retrouver sa liberté. Le cinquième empêchement, c'est le doute sceptique. Le doute sceptique est comparé à un voyageur qui se déplacerait avec des objets très précieux, sachant qu'il y a beaucoup de voleurs dans les environs. Ce voyageur est toujours en train d'hésiter, de se demander quel chemin il va prendre pour échapper aux voleurs. Le méditant également, lorsqu'il est pris par le doute, hésite. Il ne sait pas quelle décision prendre. S'il réussit à se débarrasser du doute, à l'évacuer de son esprit va redevenir très clair et capable de décision. Lorsque le méditant aura réussi à évacuer l'empêchement de son esprit, il va être satisfait de sa pratique. Cette satisfaction va amener la joie, un intérêt joyeux pour la pratique. Son corps et son esprit vont se tranquilliser et il va voir apparaître Sukha. Sukha, c'est la cause pour la concentration. Je vous souhaite à tous de persévérer dans la pratique, de réussir à évacuer les empêchements de votre esprit, de surmonter l'ennui, de développer ainsi votre concentration, votre sagesse et finalement d'atteindre la libération. So I hope that all of you will be able to persist in the practice, overcome the obstacles, overcome boredom when it arises, and continue to develop concentration, knowledge, and liberation. That's all for today.